Dossier 8. Leçon 2. Dans l'assiette. Activité 9. 1. C'est une belle présentation avec tous ces légumes. Mais tu as vu? Il n'y a que ça comme viande. Oui, c'est vrai. Ce n'est vraiment pas copieux. Deux. Madame, je vous écoute. Alors, un petit morceau de camembert. Et puis? Un peu de roquefort, s'il vous plaît. Voilà, madame. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est du comté. Ah oui, je veux bien essayer aussi. Donnez-moi un petit morceau. Bien, madame. Merci. Et dites-moi, ce petit-là, tout rond... 3. Votre steak, monsieur, à point, saignant? Plutôt bleu. Bien, monsieur. 4. Voyons, terrine de volaille, melon au porto, non. Je vous conseille la spécialité de la maison, la salade au fromage de chèvre chaud. 5. Qu'est-ce que c'est exactement une pêche Melba? C'est une pêche avec une glace à la vanille et de la crème chantilly, madame.